boutiques, des établissements vraiment très chics. Un immense resto, 3 étoiles au Michelin. Tout le monde roule en verre, couvre bien ça pour le chien. Les gens sont resplendissants, tout plein de grâce, avec des habits coûtants. Il faut se mettre à leur place. De temps, où le temps, les gens se trépassent, ils se trépassent, à se rendre au attrayant, ou attrayant, en jouant de leur classe, ah oui la classe, on semble s'amuser, toujours le sourire aux lèvres, mais il ne faut pacifier, tout est fait pour se faire aimer, on semble s'amuser, toujours le sourire aux lèvres, mais il ne faut pacifier, tout est fait pour se faire aimer. On fait des hommes compétents, il faut se méfier, on n'est jamais trop bruyant avec un statut social comme le leur. On peut critiquer si on ose, en tout cas le mérite, c'est la moindre des choses. À longueur de temps, où le temps, les gens se trépassent, ils se trépassent, à se rendre au attrayant, ou attrayant, en jouant de leur classe. Ah oui, la classe, on semble s'amuser, toujours le sourire aux lèvres, mais il ne faut pacifier, tout est fait pour se faire aimer. On semble s'amuser, toujours le sourire aux lèvres, mais il ne faut pacifier, tout est fait pour se faire aimer.